Ouais, Central, on a besoin d'une intervention du côté du 19e arrondissement, place des Fêtes. Y'a deux plaques armées, un pougnoule qui couche de partout là. Envoyez des renforts, envoyez des renforts, vite. Regarde le signe, regarde le sommet, ce n'est pas rien que tu paniques. C'est du 19 au bac, chez nous on a formé des flics. Regarde la porte privée, chez nous pas de texte à dériver. Ici c'est pas signé, viens pas faire ton guest à fils. Regarde le signe, regarde le sommet, ce n'est pas rien que tu paniques. C'est du 19 au bac, chez nous on a formé des flics. Regarde la porte privée, chez nous pas de texte à dériver. Ici c'est pas signé, viens pas faire ton guest à fils. Viens faire un trou de balle. SWAT Hall, de place au hall, rien que pour les gros qui niquent ta rue jusqu'à ton trou val. C'est la merde ici, je mets l'odeur du plastique, ça sent la mort, la violence et les cadavres de flics, je rappe pour les miens. Et pour ceux qui sont en taux, tu veux notre bif et nos rues, viens pas faire dans le gangsta hall, c'est du 19. Tu kiffes le rap, le style et le site, va te faire foutre si t'as la haine, fils. Tu veux faire quoi? On a la rage dans le sang, demande au censeur et la bite longue, demande au gangsta surfice. On a la santé et nos gros à la santé. Qu'apporte ta vie et le pif, nos négros en prennent pour 100 ans. T'aimes pas le gangsta, si ferme tes oreilles pour pas que tes potes viennent te chercher et laisse leurs pieds et leurs orteils. C'est du gangsta, tu sois, tu es les, tu Hades, tu places, laisse ton corps, on fera du son pour tes obsèques. Regarde le sommet, ce n'est pas rien que tu paniques. C'est du 19 au bac, chez nous on a formé des flics. Regarde la porte privée, chez nous pas de texte à dériver. Ici c'est pas signé, viens pas faire ton guest à fils. Regarde le signe, regarde le sommet, ce n'est pas rien que tu paniques. C'est du 19 au bac, chez nous on a formé des flics. Regarde la porte privée, chez nous pas de texte à dériver. Ici c'est pas signé, viens pas faire ton guest à fils. Chiffre comme mes types, ma, j'ai comme mes chiffres, ma. On vit à place, nous, c'est le paradis du chien. Entre cadavres et cartaf, bienvenue dans ma ruelle. Ici personne parle, na, faut pas que tu chies. J'ai grandi entre les bombes et les bombastiques. Et les types qui sont du star, sont encore d'élastique. De la pétrave, de cailloux, des petits aux gros voyous. Mal, en deux secondes, t'es dans la malle, l'histoire est classique. Pain, pain, quand t'es touché, y'a homicide. Des petits dingues, mais chez nous, quand t'es touché, y'a eu missile. Pas le train, c'est pas main. 75-019, chacun son frein, son équipe. Toujours les mêmes qui font boucher une danse macabre. C'est pas tout le monde qui s'assoit à ma table. C'est repenti, mais c'est fini. J'ai pas encore sorti ma patte. Cool, que des big boom, des big boom, des fat boom, des coups de boule. Vous me verrez, désolé, madame. Regarde le signe, regarde le sommet, ce n'est pas rien que tu paniques. C'est du 19 au bac, chez nous on a formé des flics. Regarde la porte privée, chez nous pas de texte à dériver. Ici c'est pas signé, viens pas faire ton guest à fils. Regarde le signe, regarde le sommet, ce n'est pas rien que tu paniques. C'est du 19 au bac, chez nous on a formé des flics. Regarde la porte privée, chez nous pas de texte à dériver. Ici c'est pas signé, viens pas faire ton guest à fils. Je représente le bitume pour tous mes refrains. T'as pas l'habitude de nous voir, ça t'effraie. 19 gang de gang bâtard. Y'a que ça de vrai, ramasser le cash par ses propres mains, ça c'est vrai. Sex, drop, money, mec, notre routine. Comme un clochard qui gratte ou s'enivrer de sa tétine. Fuck les best of rock, les fêlés, les ratatines. Gloire à la rue en vain, les bitches, les piétines. Dans ce business, que des gangsters par intérim. Ça rappe des carottes en croyant que ça rime. Qu'une bastos fera toi une victime. Sur ce son du 19, faut que ça tremble, faut que ça trime. Pourquoi primer le danger? C'est ce qui me fait manger. Dans nos rues que des gangsters toujours prêts à nager. Arrête de faire simplet, y'a que des naufragés. Majeur ou pas, les sentiments sont partagés. Regarde le sommet, ce n'est pas rien que tu paniques. C'est du 19 au bac, chez nous on a formé des flics. Regarde la porte privée, chez nous pas de texte à dériver. Ici c'est pas signé, viens pas faire ton guest à fils. Regarde le signe, regarde le sommet, ce n'est pas rien que tu paniques. C'est du 19 au bac, chez nous on a formé des flics. Regarde la porte privée, chez nous pas de texte à dériver. Ici c'est pas signé, viens pas faire ton guest à fils.